Et les murs, vous faisiez de la confiture. De la gelée. De la gelée, c'est de la gelée de murs. Et moi, je fais autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Moi, quand j'ai ramassé des murs, j'en fais deux parties. Toutes celles qui sont belles, la moitié des belles et la moitié des pas belles. Les pas belles, c'est qu'elles sont un peu abîmées, pas tout à fait mûres ou autre. Et celles qui sont belles, donc je les mets dans un saladier. Et celles qui sont pas belles, je les mixe avec un mixeur et avec du sucre. Et je passe en une passoire. Et ça me fait un coulis de mur. Un coulis de mur, mais cru, quoi. Et là, je sers dans des petites coupelles. Une louche de mur entière, et j'arrose dans l'assiette, dans le coupelet de chacun, de mon coulis de mur. Voilà. Et on mange ça en petite cuillère, c'est rien du tout, c'est délicieux. D'accord. Voilà, c'est des murs au coulis de mur. D'accord. Et ça, c'est vous qui l'avez. Ça, c'est un truc à moi. J'ai plein de recettes à moi, comme ça, des petits trucs perso.